cœur, ma sœur a mal au cœur. Et moi je fais du roller, je bois de la ficheur, je casse ta gueule par terre, parfois contre facteur. En plus, il ne faut pas peur.